14h. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Que veut dire S ? Tout simplement souvenir. Retrouvez S comme souvenir avec Nicolas tous les vendredis de 14h à 17h sur Arc-en-Ciel. Midi. Voici donc l'émission Souvenir entre 14h jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons différentes. Voilà, bien sûr, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et aussi une très bonne matinée. Avec l'émission cet après-midi, avec des chansons variées, avec bien sûr les chansons françaises, avec tout simplement du country, de l'accordéon, et puis quelques chansons qui va faire tour du monde, avec deux, trois titres du monde. Voilà donc, on va débuter l'émission avec Lily Harmony. Donc le titre s'appelle tout simplement Tant pis. Donc on va débuter l'émission Tant M. Voilà, et donc un petit coucou. Voilà l'émission. Dans cette immense ronde, sur Radio Arc-en-Ciel. Je m'évade et je m'enfuis. Je m'évade et je m'enfuis. Comme une rebelle, une fée moderne, aux gants de velours et porte jardel. Je suis mi-ange et mi-démon, les graffitis portent mon nom. Moi j'imagine dans ces ruelles, sous les lumières dissimulées, sur ma peau, comme un emblème, toutes les revendications tatouées. Je m'évade et je m'enfuis vers un tout autre paradis. Je m'évade et je m'enfuis vers cet ailleurs que l'on a décrit. Je m'évade et je m'enfuis vers un tout autre paradis. Je m'évade et je m'enfuis vers cet ailleurs que j'ai pas décrit. Puis vient la nuit, je mène ma vie en blouson de cuir et jupe froissée. Un simple regard qui me dévisage, le loup est sorti de sa cage. Dans cette ville où brille mon étoile, qui n'est jamais apprivoisée, à l'encre rouge artificielle, j'écris toujours mon idéal. Je m'évade et je m'enfuis vers un tout autre paradis. Je m'évade et je m'enfuis vers cet ailleurs que l'on a décrit. Je m'évade et je m'enfuis vers un tout autre paradis. Je m'évade et je m'enfuis vers cet ailleurs que je n'ai pas écrit. Je m'enfuis loin du monde, je m'évade. Si mes rêves se confondent, je m'évade. Pour une heure, une seconde, je m'évade, je m'évade, je m'évade, je m'évade, je m'évade. L'aube frissonne aux ormeaux. Enfants, courez, courez aux champs, soufflez dans vos doigts. Les oiseaux d'octobre sont les oiseaux du froid, froid, froid. Frissonne à la peau. Amant, tuez le temps dans le petit bois. Les corbeaux sont bien moins farouches que l'on croit, croit, croit. Quand l'aube frissonne au drapeau, soldats, tuez d'autres soldats, mais ne tuez pas les oiseaux de Verdun, les oiseaux de Rocroi. Descendra. Amants, soldats ou innocents, il ne restera dans les champs désertés que les oiseaux de croix, croix, croix. Loin dans l'ombre du passé, j'avais souvent rêvé de vous, sans même vous connaître. Loin là-bas, cet être aimé, vers qui je t'ai poussé, c'est vous. Trèfle à quatre feuilles, bonheur que l'on cueille, chaque jour s'effeuille pour moi, et je vois fleurir mon rêve d'autrefois. J'avais souvent rêvé de vous, sans même vous connaître. Loin là-bas, cet être aimé, vers qui je t'ai poussé, c'est vous, je sais. Tout semble aujourd'hui plus bleu, mais ce bonheur joyeux sans vous pouvait ne jamais être qu'un désir inapaisé. Rêvons-moi dans l'ombre du passé. Dans le jardin charmant de ma petite ville, des bons vieux très souvent bavardent sur un banc. Sur d'autres bancs près d'eux s'ébauchent des idylles, et lorsque tout heureux passe des amoureux, les vieux regrettent leur jeunesse et le bon temps de leurs 20 ans. Ils se rappellent leur tendresse et la douceur de leur bonheur. Lorsque deux jeunes gens qui s'aiment sur le chemin passent joyeux, ils croient qu'ils se revoient eux-mêmes quand ils s'aimaient les bons vieux. Quelquefois les bons vieux ont des regards sévères quand les yeux dans les yeux les amants vont par deux. Contempler leur bonheur les met presque en colère. Ils ont un air grondeur, mais au fond de leur cœur, ils regrettent leur jeunesse et le bon temps de leur 20 ans. Il trouve formal les caresses, l'air langoureux des amoureux. Furieux, il blâme ceux qui s'aiment, sans songer que parfois, mon Dieu, ils en ont fait bien plus eux-mêmes, autant jadis les bons vieux. Un jour vous serez vous-même à votre tour des bons vieux.

dans mon cœur. Près d'elle on s'attarde, assise dans un coin. Avec Tino Rossi. plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour la grotte Sylvie. Elle me quitte et prend un autre amour. Plaisir d'amour ne un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Tant que cette eau coulera doucement vers ce ruisseau qui borde la plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Mathieu. François. Quand la nuit se délaye dans l'aurore naissante, que le jour peu à peu étale sa clarté, je m'éveille parfois pour mieux te contempler. Quand tu reposes encore en des poses innocentes, bien souvent indécentes, mêlées de pureté. Étendu sans défense, alangui sans pouvoir, tu ressembles à l'enfant qui sourit sans savoir et lui murmure des mots impossibles à comprendre. J'ai l'amour à fleur de cœur et mon cœur. Fontaine aux fées, il m'avait emmené dans l'eau moussée qui danse. J'ai vu des poissons d'or, je l'aimais tant, celui que j'aime, je l'aimais tant. À la fontaine aux fées, pourquoi les gens brassés? Je lui ai dit de m'aimer, mais il en refusait. Je l'aimais tant, celui que j'aime, l'aimais tant. À la fontaine aux fées, j'ai vu mes pleurs couler. Dans l'eau, j'ai vu passer quelques œillets fanés. Je l'aimais tant, celui que j'aime. Je l'aimais tant. À la fontaine aux fées, je viens souvent. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Morceau porté pour Florian et avant c'était Ophélie Morival.

retrouve avec d'autres chansons. Voici donc les chansons françaises. Avec tout simplement Yvonne Printemps. Yeah. empêche-toi de m'aimer. Voici donc un morceau de jazz. De mon langue. Donc du pays. Redeviens-toi. nous enrhume. Sur la surface, les cicatrices, la solitude du cœur des artistes. Pour sortir des abysses, in extremis, tu colles dans tes grimoires, des on sera la courroie, on se déploie et désert. La peur de l'humoriste, l'essence des perfectionnistes. C'est le sang des acrobates, de ceux qui jonglent avec des haches. Le pouvoir du marionnettiste qui tire des fils de factice. Redeviens-toi joyeux funambule, un fou qui se moque des rois, disparaître des bidules. Rappelle-toi les 300 jours, les restes qui se consument. Redeviens-toi ce grand magicien qui nous enrhume. Redeviens-toi aux frontières de tes rêves. Rappelle-toi l'enfant qui voulait toucher le ciel. Redeviens-toi, réponds à l'appel, on sera la courroie, on se déploie des ailes. Voici donc un morceau de G-Sing. Thank you. Cocteau avec la musique. Toi, tu es le sens de ma vie. Tu sais me refaire sourire plus qu'une simple rire. Tu fusionnes à ma vie. Chaque fois, un coup de blues, une déprime. Même quand tout me sourit comme une éclaircie, tu me sors des avis. Allez, que tout le monde suit, que la musique guide nos vies, qu'elle éloigne nos malheurs. Encore, que la musique rythme nos vies, qu'elle efface nos soucis, qu'elle apporte le bonheur. Cette force inexplicable, cette chose si agréable, tu m'as tout apporté, je voudrais te remercier. Toi, qui es plus qu'une évidence, tu as bercé mon enfance, tu m'as tendu la main pour être mon destin. Allez, que tout le monde me suive, que la musique guide nos vies. Elle éloigne nos malheurs. Encore, que la musique rythme nos vies, qu'elle efface tous nos soucis, qu'elle apporte le bonheur.

cut. The same broad runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. Just half the moon bats off your head. Every step. Any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you'll never be, I'll be your guide. Lily, cause you're the best paint I've ever made. Every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. Frontières. Tu aimes les étrangères, leurs accents, leurs manières. Chez les filles, tu préfères un passeport pour changer de décor. Tu connais une grande Ruskoff qui habite seule dans un loft. Elle écoute Rachmaninoff, Salam et Ina des fois off. Tu vas voir une Italienne aux allures très vénitiennes. Et si t'aimes ses spaghettis, elle te fait du Botticelli. Tu aimes les étrangères, leurs accents, leurs manières. Chez les filles, tu préfères un visa pour passer la frontière. Tu aimes les étrangères, leurs accents, leurs manières. Chez les filles, tu préfères un passeport pour changer de décor. Mmh. petite chintoc. Tu connais une italienne, une australienne, une africaine, une japonaise, une islandaise, une grande danoise et tu pavoises. Tu les enlaces, les délaces, tu les enchaînes, les déchaînes devant une agence Havas où tu t'arrêtes et rêvasses. Tu aimes les étrangères, leurs accents, leurs manières. Chez les filles, tu préfères un passeport pour changer de décor. Tu aimes les étrangères, là sur tes étagères, en couleur, en poster, oui, c'est elle que tu préfères. Les étrangères, c'est elle que tu préfères. Les étrangères, c'est elle que tu préfères. Les étrangères, c'est elle que tu préfères. Voici, je passe directement du côté de votre chanson. Voici du Tirol. Deine Blicke ziehen mich an und ganz in deinem Bann. Du bist gefährlich. So ein verrückter Augenblick, denn auf einmal macht es Klick. Schon zugehört. Und wenn du schon von Liebe sprichst, wird dich eine Nacht nicht stören. Heute Nacht bleib ich nur wegen dir lange, lange wach. Weiß, die sind von dir. Du bist unglaublich. Und daneben eine DVD. PS, ich liebe dich. Beweise, dass du's ehrlich meinst. Die brauche ich doch nicht. Heute Nacht bleib ich nur wegen dir. Vorübergehen, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, es tat gar nicht mehr weh, wie schnell so ein Schmerz vergeht, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Okay, ich hab sie gecheckt beim ersten Mal direkt. Oh. Und ich muss ehrlich gestehen, sie ist so wunderschön. Sie ist so wunderschön. Sie kennt die Backstreet Boys und Michael Jackson nicht. Oh. Und als die Mauer fiel, da gab es sie noch nicht. Oh. Bei unserem ersten Kuss, da war sie gerade drei. Ich frag mich ernsthaft, was denkst du dir nur dabei? Du färbst die Haare blond und willst ihr imponieren. Doch sie ist viel zu jung, viel zu jung. Du gehst zum Abi-Ball, hey, du hast echten Knall. Oh. Oh, oh, oh, oh. Bei mir lagst du nur rum und hattest nichts zu tun. Oh. Oh, oh, oh, oh. Und doch ich wünsche dir eine schöne Zeit mit ihr. Oh. Michael Jackson nicht, oh. Und als die Mauer fiel, da gab es sie noch nicht, oh. Bei unserem ersten Kuss, da war sie gerade drei. Ich frag mich ernsthaft, was denkst du dir nur dabei? Du färbst die Haare blond und willst ihr imponieren. Doch sie ist viel zu jung, viel zu jung. Sie ist zu jung, viel zu jung. Sie ist doch viel zu jung, jung, zu jung, viel zu jung. Sie ist doch viel zu jung, jung. Sie ist zu jung, viel zu jung. Sie ist doch viel zu jung, zu jung. Bei unserem ersten Kuss, da war sie gerade drei. Ich frag mich ernsthaft, was denkst du dir nur dabei? Du färbst die Haare blond und willst ihr imponieren. Doch sie ist viel zu jung, viel zu jung. Bonne année, Gribouille. Offrons un réveillon à ceux qui n'en ont pas. Avec les réveillons de la solidarité, la Fondation de France soutient plus de 150 initiatives qui permettent à des personnes seules de recréer des liens durablement. Faites un don sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Entreprise Olivade, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Come on!

détruit l'ancienne oraison. L'image d'Ève et de la pomme face aux vieilles malédictions. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée. Dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Voici donc Georges Guettari. Ce n'est qu'une auberge accueillante, comme on en rencontre partout. Toute une jeunesse brillante s'y donne rendez-vous. Galants et jolies cavalières, les rires mêlés aux chansons, tout ça fait un bruit de volière dans toute la maison. À l'auberge du printemps, les roses sont en fleur, et les filles de 20 ans attendent l'homme sœur. Le dimanche a lancé beaucoup d'invitations, le soleil est aussi de la fête. Avec ce soleil-là, faites bien attention, on va vite perdre la tête. Une idylle vous attend, venez choisir un cœur. À l'auberge du printemps, les roses sont en fleur. Un jour, je fais sa connaissance, et que de baisers nous nous donnons. Ce n'est qu'à la troisième danse que j'ai connu son nom. Blottis au fond d'une tonnerre, ainsi que moi nous dans un nid, comme on dit dans les ritournelles, nos cœurs se sont unis. À l'auberge du printemps, les roses sont en fleur, et les filles de 20 ans attendent l'homme sœur. Et voilà le roman de mon premier amour, jamais je n'en aurai un deuxième. Car on s'aime aujourd'hui autant qu'au premier jour, davantage il me semble même, davantage il me semble même. Maintenant, si vous trouvez l'histoire à mon droit, arriver, cela ne tient pas bout.

Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frank Sinatra. Et puis juste après lui, ce sera Dean Martin. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, doo-doo-doo-doo-doo-doo, the way we danced until three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Love you. Well, I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. You dream a while and you scheme a while. You're sure to find happiness and a guess. Well, all the things you think that are fine for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth won't sell to you, baby. Till the lucky day, you know, down. Well, baby, I can't give you anything but love. Da da da da da da da da. Da da da da da da da da. I'd like to love, see you looking baby, swell. Love you, baby. Diamond bracelets and Woolworth, they ain't gonna sell to you, baby. Till the lucky day, you know, down. Well, baby, but I can't give you anything but love. Love, love. baby. Love, love, love you, baby. Love, love, love you, baby. Do. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Voici un petit coup pour Florian, voici donc deux titres portugais. Je te vois partout. Je n'ai pas peur, je suis heureux. Je te vois partout. Je n'ai plus qu'à fermer les yeux, même sans rendez-vous. On se retrouve là, amoureux. Je te vois partout. Oh, ça doit rester secret entre nous, ou les autres me prendraient pour un fou. Je vis un rêve pour toi, mon ange. Je vis un rêve étrange et je t'invente un paradis fait pour nos deux. Je vis un rêve pour toi, mon ange, assis sur la branche et je t'invente un ciel appelé à rester bleu. Je te vois partout, c'est encore bien plus beau qu'avant. Je te vois partout. Y'a plus de chambre et de lit blanc, ça dépasse tout. Ce qu'on croyait étant enfant, je te vois partout. Oh, ça doit rester secret entre nous, ou les autres me prendraient pour un fou. Je vis un rêve pour toi, mon ange. Je vis un rêve étrange et je t'invente un paradis fait pour nous deux. Je vis un rêve pour toi, mon ange, assis sur la branche et je t'invente un ciel appelé à rester bleu. doing a thing. We party until we're hating. 24 hours, they were burning it. Sentir o teu desejo provar o teu beijo, ser tua fantasia, sentir tua magia, conquista o meu coração. Dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança só pra mim. Dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança só pra mim. Dança, esquece o mundo lá fora, porque esta noite é nossa. We'll do it again. You'll see you go. Come on, see you on the hand for life on the thing. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, je laisse avec du compris.